Bon sang, mais qu'est-ce que... Où est-ce que je l'ai mis, là, ce jeu de croquet? J'étais sûre de l'avoir rangé au grenier dans cette malle, là, mais... En même temps, c'est le bazar. Oh là là, il y en a partout. T'es sûre que tu l'as pas donné à Emmaüs ou à Solidaire en ville? Ou à la grande bourse aux jouets de la mairie du 20e, là, l'an dernier, on avait donné des trucs? Non, je suis sûre que j'y ai pas touché. Bon, bah... Ou bien, oui, à la foire aux dons de Gambetta, là, il y a quelques années, on avait donné des trucs, on avait participé. Ça te dit rien? Non, j'y ai pas touché, je suis sûre. C'est dingue, quand même, comme ce genre de foire a explosé ces dernières années. Sans chercher le profit, ça, c'est vraiment une avancée, quoi. Il y a vraiment plus de systèmes d'échange ou de dons à Paris, et c'est vraiment super qu'on ait pu voir arriver ça au 21e siècle, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Bon, tu trouves ou tu veux que je monte t'aider à chercher? Bah non, je trouve pas. En même temps, il y a tellement de trucs dans ce coffre. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs? Ah, trop drôle! Ce sont des carnets de notes que j'avais prises pendant mon école du paysage, pendant le premier confinement, tu sais, en 2020, avec le Covid-19, tu te souviens? Non. Trop drôle de retrouver ça là. Et ça te rapproche du croquet? Non mais viens, attends, viens voir. Ça va te faire rire, regarde. Je parlais déjà du quartier et des nouvelles connaissances qu'on s'était faites grâce au confinement. Tu vois, et du fait qu'il y avait des mouvements de solidarité, d'entraide qui étaient nés pour pallier la solitude, trouver des alternatives au manque ressenti pendant la période. C'est dingue, non? C'est vraiment le tout début de cette ère, hein. Tu te rends compte que ça fait déjà 30 ans. On se fait plus tout jeune, hein. C'est marrant, comme quand on repense aux événements de l'époque, on avait déjà pressenti que ça allait changer quelque chose, mais on savait vraiment pas à quel point, hein. C'est fou. Comment ça, tu veux dire? Bah si, au-delà de toutes les foires, tu t'es bien rendu compte que les gens en ont eu marre, que tout soit capitalisé, financier, payant. Il y a vraiment eu une vague de mouvements citoyens, tu vois, pour plus de justice, quoi, et de solidarité après le confinement. Et même pendant plusieurs années, ça, jusqu'à ce que tout ça devienne plus naturel, quoi. Aujourd'hui, on se pose moins la question, mais bon, rappelle-toi, en 2020, tout était pratiquement payant. Sauf les promenades en forêt. Et pendant le confinement, on n'avait aucun moyen d'y aller en habitant en ville. Je me rappelle qu'on nous a vraiment sollicités en tant que paysagistes pour changer la ville dans ce sens. On a œuvré, les élus, les assos, les commerces aussi. Ils nous ont vachement aidés à concevoir des espaces publics pour les habitants et par les habitants aussi. Et c'est à ce moment-là, à peu près, qu'on a fait de tous les ronds-points, des places plus vastes, qu'on a pu organiser des silent disco, les apéros urbains aussi, c'était à ce moment-là... Les journées de jeux partagées, des activités sportives, tu vois. Gratuitement, tout ça gratuitement. Les visites guidées, tout ça, pour les Parisiens, c'était gratuit. Et ça, c'était vraiment nouveau. Et les espaces publics ont contribué à les rendre possibles et agréables, tu vois. Arborés avec des espaces pour se poser, boire un verre. Tout ça, ça a vraiment été un grand moment. C'était tout simple, en fait. Mais jusqu'à ce moment-là, il fallait tout le temps raquer pour avoir le droit de rentrer. Et les gens ont dit stop, quoi. Les mairies n'ont plus le choix que de suivre, sinon ça en était fini de leur mandat. Puis bon, il y a eu les Fab Labs aussi. Ça a vraiment aidé à faire passer le message. Les habitants ont pu décider de leur mobilier, le construire eux-mêmes. Enfin ça, c'était vraiment fou. Bon, aussi, les mairies ont trouvé ça très très pratique de pas avoir à sortir le portefeuille. et puis à prendre toute la responsabilité aussi pour planter les bacs, faire les tables, les bancs publics. Bon, en vrai, c'était un beau partenariat qui commençait avec les paysagistes parce que ce qui a été vraiment intelligent, c'était d'arriver à se parler et à faire ensemble, sinon ça aurait été vraiment un échec, je pense. Puis bon, c'est quand même fou la vie. Dans le carnet, je parle de nos voisins d'en face qui nous avaient parlé du quartier, tu sais, de sa mémoire, de comment les choses étaient au siècle dernier. Bon, j'ai pas dû être la seule qui a découvert l'intérêt de la mémoire des lieux pendant le confinement, parce que c'est vraiment devenu le cœur des projets de pas mal de lieux parisiens, que de faire découvrir le passé du site aux habitants par des expos ou des conférences in situ. On s'est bien rendu compte hein, que les gens avaient des choses à dire, que c'était pas seulement aux paysagistes, tu vois, de transmettre ce qu'ils avaient appris. C'était vraiment une histoire de transmission collective et que rien ne valait l'histoire par celui qui l'avait vécu directement. Je crois que le fait qu'on ait eu une formation hyper créative, très focalisée sur les moyens d'exprimer une idée, ça nous a bien chauffé pour écrire des histoires à plusieurs mains, à plusieurs voix. On s'est rendu compte que les gens ont mieux accroché avec les projets quand c'était sous forme de jeu ou de conte. Quand c'était participatif aussi, c'était plus émouvant. Ouais, ça a été une belle période. T'es là? Oui, je t'écoute. Mais bon, ça ne dit pas où est le croquet, cette histoire. Bon, écoute, tant pis pour le croquet, non? Bon, je monte. Ok. Bon, je suis sûre qu'en plus, dès que tu vas chercher, tu vas le trouver direct.